Chapitre 82. Inciter les chefs, les juges et tous ceux qui détiennent l'autorité à choisir des adjoints vertueux et les mettre en garde contre l'influence d'un mauvais entourage. Allah Ta'ala dit: Al-akhillâ'u yawma'idhin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Sourate 43, verset 67. 678. D'après Abu Sa'id et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah n'a envoyé aucun prophète et n'a confié le pouvoir à aucun homme sans qu'il n'ait deux sortes d'entourage. Un entourage qui leur commande le bien et les incite à l'accomplir, et un autre qui leur commande le mal et les incite à le commettre. Or n'est préservé que celui qu'Allah préserve. Al-Bukhari. 679. Selon Aisha radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Si Allah veut du bien à un souverain, il lui désigne un ministre sincère et bon conseiller qui, quand il oublie, lui rappelle, et quand il se souvient, le soutient. Et si Allah lui veut autre chose que du bien, il lui désigne un mauvais ministre qui, quand il oublie, ne lui rappelle pas, et quand il se souvient, ne le soutient pas. Abu Daoud, avec une bonne chaîne, isnad selon les critères de muslims.